Reprenons. Avoir se dit haben. Haben. Nous avons. Wir haben. Nous l'avons. Nous avons cela. Wir haben es. Nous ne l'avons pas. Wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Comment diriez-vous « Pourquoi ne l'avez-vous pas pour moi ?» Warum Warum, oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas ? Warum haben Sie es nicht für mich ? Warum haben Sie es nicht für mich ? Für, c'est pour. Für, F-U umlaut R. Donc, le U surmonté d'un tréma se prononce comme le U français et non OU. Alors, encore une fois, pour moi, se dit für mich. Für mich. Comment dira-t-on je dois ? Ich muss. Encore une fois ? Ich muss. Ich muss. Je dois faire une mousse au chocolat. Ich muss. Ich muss. Ça s'écrit M-U-2-S. Ich muss. Et comment dira-t-on « je dois l'avoir » ?« Ich muss es haben. » »« Haben. » »« Ich muss es haben. » Bien. « Ich muss es haben. » Je suis désolée, mais je ne l'ai pas. « Es tut mir leid. » »« Es tut mir leid, oui. » En fait, « leiden », c'est un verbe. Leiden, ça veut dire souffrir. Et le mot leider signifie malheureusement. Ich kann es leider jetzt nicht tun. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Ich kann es leider jetzt nicht tun. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Malheureusement, je ne peux pas le faire. Maintenant, tout à fait. Ich kann es leider jetzt nicht tun. Je ne peux pas, malheureusement, le faire maintenant. Ich kann es leider jetzt nicht tun. Leider, c'est donc malheureusement. Mais encore une fois, je suis désolée, littéralement, cela me fait de la peine. Se dit es. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Encore une fois. Es tut mir leid. Je suis désolée, mais... Es tut mir leid, aber... Je suis désolée, mais je ne l'ai pas pour vous maintenant. Es tut mir leid, aber... Je ne l'ai pas... Ich habe nicht... Ich habe... Je ne l'ai pas, ça se dit ich habe... Ich habe es... Ich habe, ich habe, un peu plus aspiré, ich habe, je ne l'ai pas, ich habe es, je ne l'ai pas, nicht, pour vous, für Sie, oui, ich habe es nicht für Sie, maintenant, jetzt, oui. Ich habe es nicht für Sie jetzt. Ou, ich habe es jetzt nicht für Sie. Les deux sont corrects. Donc, si me veut dire à moi, me se dit mir. Mir, mir, oui. Encore une fois, me dans le sens de à moi, c'est mir. Et si me ne signifie pas à moi, alors vous emploierez mich. Mich, c'est ça. Et il se passe la même chose avec vous. Si vous ne correspond pas à vous, on emploie sie, S majuscule IE, sie. Mais si vous est employé dans le sens de à vous, alors il faut dire Ihnen, toujours avec un I majuscule. I majuscule H, qui allonge le I, Ihnen, I majuscule H-N-E-N, Ihnen. C'est donc vous dans le sens de à vous. Alors comment dira-t-on Je ne peux pas vous l'apporter. Commencez par le verbe porte-manteau. Ich kann, oui. Alors, ne pas vous l'apporter, c'est-à-dire ne pas l'apporter à vous. Es Ihnen nicht bringen? Oui. Ich kann es Ihnen nicht bringen. Pour dire car en allemand, on peut employer denn. Denn. Alors, comment dira-t-on car je ne l'ai pas maintenant? Voyons d'abord car je l'ai. Denn ich habe es. Denn ich habe es. Encore une fois? Denn ich habe es. C'est ça. Denn ich habe es. Et comment dit-on car je ne l'ai pas? Denn ich habe es nicht. Bien. Denn ich habe es nicht. Et donc, comment diriez-vous car je ne l'ai pas maintenant? Denn ich habe es nicht jetzt. Denn ich habe es nicht jetzt. Mais on dira plus souvent, denn ich habe es jetzt nicht.